Monsieur Jonathan Batengue, vous avez pas la parole. Nous sommes en train de refermer ce premier sujet. C'est juste complémentaire. Mm. Déjà, nous, c'est pas nous qui faisons pour le tapage toute cette histoire. Déjà, les drones apparaissent dans les réseaux russes. C'est les réseaux russes qui publient les images. Quand vous regardez, par exemple, Donbass-Devouchka, c'est animé par une ancienne Marines états-unienne. Elle est états-unienne, elle n'est pas russe d'origine, elle est états-unienne. Mais à cause de son engagement pour la cause humaine, cette dame, cette militaire états-unienne, a trouvé refuge en Russie. Elle anime un réseau qui s'appelle Donbass-Devouchka. Si vous êtes dans sa page, sur son réseau, sa chaîne Telegram, vous voyez les images. Moi, j'ai vu des images le 2 mai quand c'est apparu. Elle publie des images. Et dans d'autres réseaux Telegram, c'était pareil. Vous allez sur Twitter, vous voyez les images. Vous regardez tous les médias occidentaux, les images sont là. Il y a des chaînes, on ne va pas leur faire la publicité, qui en ont fait un élément de prime time. Alors, les Russes ont eu des réactions officielles connues. Il y a eu d'abord le communiqué de presse de Peskov, le porte-parole du Kremlin, de la présidence de Russie, de la Fédération de Russie, et il a clairement dit que c'est une action qui n'a pas pu être commise sans la participation des États-Unis. Il a dit, nous avons les données, nos services spéciaux ont collecté des données. Le deuxième élément, c'est Sergueï Lavrov. Cet élément apparaît hier. Et Sergueï Lavrov est clair. Sergueï Lavrov dit, ceci n'aurait pas pu se faire sans la contribution des États-Unis. Et il dit d'ailleurs, à la fin de son propos, qui a été repris par le média TRT, qui est le média officiel de la Turquie, il dit dans son commentaire, à la fin, il dit, tout le monde sait que les Ukrainiens et les États-Unis et leurs alliés et occidentaux mentent. Donc, qui ne va pas croire lorsqu'ils disent que ce n'est pas eux? Vous voyez? Donc, avec tous ces éléments, on a Sergueï Lavrov, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères de la Russie, la voix autorisée en matière de politique étrangère en Russie, après Vladimir Poutine. Et puis, vous avez Peskov, le porte-parole, c'est-à-dire le porte-voix du président Poutine lui-même qui s'exprime. Ce n'est pas nous qui faisons l'alarme là-dessus. Mais les deux personnalités nous renseignent sur un élément. Les soupçons pèsent sur la participation des États-Unis. Donc c'est grave. Parce que c'est un casus belli. Je tiens à rappeler, la Première Guerre mondiale a été occasionnée à la suite d'un attentat. Ce n'était pas une déclaration de guerre qui a été posée à la suite de la violation d'une frontière par un autre État. Non, il y avait des conflits frontaliers. Mais lorsque l'attentat a été commis contre l'archiduc François Ferdinand, eh bien, on a vu l'Empire d'Autriche-Hongrie entrer en guerre contre la Serbie. Et c'est de là que tout est parti. On est face au même risque actuellement avec cet acte. Ce n'est pas un acte mineur. Oui, je suis d'accord qu'il y a des velléités, des gens qui voudraient qu'on ait une guerre, mais ils sont en train d'actionner les leviers à un niveau élevé. Ce n'est pas à nous de stopper ça, parce que ça ne dépend pas de nous. Si les populations occidentales ne veulent pas faire la guerre, nous leur avons donné la solution depuis. Elle est simple. Qu'ils se lèvent tous les jours, qu'ils arrêtent le travail, qu'ils fassent des grèves, qu'ils aillent manifester devant leurs autorités, mais bien plus, qu'ils s'attaquent aux 13 familles oligarches qui contrôlent leurs économies. Parce que c'est ces gens qui encouragent la guerre. C'est ces gens qui tirent profit de la guerre. C'est ces gens qui financent les industries de guerre. Et c'est ces gens qui sont les principaux bénéficiaires de la guerre. Donc, si les populations occidentales ne veulent pas la guerre, parce que quoi qu'on dise, hein, les bombes nucléaires, ça va exploser peut-être dans le monde. Mais les Occidentaux doivent être rassurés d'un fait. De toutes les manières, même par la superficie de l'Afrique, nous allons avoir une bonne partie de la population africaine qui sera épargnée. Ce n'est pas les prévisions qu'ils font tous les jours à partir des simulations en 3D dans leurs ordinateurs. Ils vont se détruire et eux-mêmes, ils vont s'exterminer de la surface de la Terre. S'ils veulent qu'ils continuent sur ce chemin, l'avenir des Européens, des Occidentaux, c'est-à-dire Européens et États-Unis, est entre leurs mains. C'est à eux d'arrêter leurs dirigeants. Tant qu'ils vont observer leurs dirigeants comme étant de simples pantins, et qui vont laisser leur avenir à la providence, en croyant que le bon Dieu viendra arrêter ou les Macron ou Biden ou je ne sais qui, et qui laisse ce Zelensky, ce clone sanglant de Kiev, continuer à se pavaner en Europe, aller dans n'importe quel pays, au lieu de l'empêcher de traverser les frontières. C'est que tant qu'ils vont laisser et qu'ils vont être passifs, qu'ils vont accepter la répression sanglante des droits de l'homme, contre tout avis des droits de l'homme sur leur territoire, eh bien, c'est leur avenir qui se joue. Je suis d'accord avec cette perspective. Ça menace l'humanité, mais bien plus d'abord l'humanité, qui est la frange de l'humanité que représente l'Occident. Alors, vous avez souligné la nécessité pour les populations de, voilà, de revendiquer, de se lever. On précise dans le respect de la loi. Aucunement votre intention d'inciter les populations au trouble à l'ordre public. C'est pas mais moi qui plutôt dans le respect de la loi. Madame Capel, je n'ai jamais fait l'éloge de la Révolution française. La France elle-même a déjà fait trop de propagande sur la Révolution française. Si c'était une révolution dans le respect de la loi, eh bien, je crois que ce n'est pas un exemple à enseigner dans les écoles. Afrique Média, le monde, c'est nous.